automobile, je roulais peinard tranquille. Quand soudain derrière moi un gars en tuning s'approcha, et les fenêtres fermées, j'entendais la zik qu'il écoutait. La musique de discothèque, le genre de truc qui me prend la tête. Des coups d'accélérateur il me donna pour me faire peur. Et là c'en était trop, j'avais à faire un lourdeau. Dans mon rétroviseur sa superbe voiture décorée d'une antenne de CB, d'autocollant super grand prix. Wow, wow. Au plafond de sa voiture, ce gars-là, du coup, ça c'est sûr. Juste une petite chanson pour dénoncer ces gens chromés. Cette frime envie de teinter pour se la jouer, pour se la jouer. Juste quelques mots en honneur à ma deux chevaux. Métallisé, mais sans turbodé, ouais. Apparemment super fier de son magnifique bolide. Sur la portière et le bras pendant dans le vide. Une seule envie lui démangeait, c'était de me dépasser. Pour que je me dise dans ma petite tête, ce gars-là faut pas le faire chier. Alors au rythme de sa connerie, il commence à sa course. En pole position, peut-être se sentait-il moins con. Arrivé à ma hauteur, j'observais l'homme avec stupeur. Un détail m'avait frappé, ce gars je le connais. Wow, wow. Johnny Moumout, le fameux Johnny Moumout, le beauf de la route, vous le connaissez sans doute. Un peu futile, un peu débile, un peu loup-baroutard, avec sa tunique mobile et sa frime comme vitamine. Juste une petite chanson pour dénoncer ses jambes chromées. Cette frime envie de teinter pour se la jouer, pour se la jouer. Juste quelques mots en honneur à ma deux chevaux, métallisés mais sans turbodé. Juste une petite chanson pour dénoncer ces gens de chromés. Cette frime envie de teinter pour se la jouer, pour se la jouer. Juste quelques mots en honneur à ma deux chevaux, métallisés mais sans turbodé. Juste une petite chanson pour dénoncer ces gens de chromés. Cette frime envie de teinter pour se la jouer, pour se la jouer. Juste quelques mots en honneur.